Moi je bute tout le monde avec mon flingue virtuelle, avec mon avatar, je suis dieu, je suis cruel. Je croise des monstres, je les fais exploser. Pas besoin de sortir, pas besoin de coucher. Je tripote des manettes depuis mon canapé. Et je suis invincible, j'ai des dizaines de vies. Pas besoin de miroir pour contempler mon ennui. Pas besoin de miroir pour contempler mon ennui. Le dégoût de vivre donne le goût de tuer. Et je suis bien sage, je ne fais que jouer. Révolte avortée, je ne dérange personne. Je suis ma vie tout seul dans le vide qui résonne. Le dégoût de vivre donne le goût de tuer. Et je suis bien sage, je ne fais que jouer. Révolte avortée, je ne dérange personne. Je suis ma vie tout seul dans le vide qui résonne. Jusqu'où me mènera cette paresse mentale. Et puis ce goût du sang, cette ivresse brutale. Finalement trouver la solution finale. Les gens qui se consument dans la nuit glaciale. Si on renonçait à leur chair, à eux-mêmes, ils cachent tout leur temps dans une fausse vie. Ils sont disciplinés, ils ne font pas de bruit. Ils s'entraînent à la guerre, mais en plus c'est gratuit. Le dégoût de vivre donne le goût de tuer. Et je suis bien sage, je ne fais que jouer. Révolte avortée, je ne dérange personne. Je tue ma vie tout seul dans le vide qui résonne. Le dégoût de vivre donne le goût de tuer. Et je suis bien sage, je ne fais que jouer. Révolte avortée, je ne dérange personne. Je tue ma vie tout seul dans le vide qui résonne. Quand j'ai les yeux rivés sur mon écran lumineux, je ne vois pas dehors ni mon destin affreux. La solitude programmée par les lobbies odieux. Je joue complaisamment à tous les jeux qu'on veut. Ils peuvent crever les autres au fin fond du tiers monde. Est-ce que ça peut me foutre? Moi j'en ai mille des mondes. Quand mes yeux sont cramés et mon cerveau bouilli, j'aurais depuis longtemps cessé d'être un dévot. Le dégoût de vivre donne le goût de tuer. Je suis bien sage, je ne fais que jouer. Révolte avortée, je ne dérange personne. Je tue ma vie tout seul dans le vide qui résonne. Le dégoût de vivre donne le goût de tuer. Je suis bien sage, je ne fais que jouer. Révolte avortée, je ne dérange personne. Tu m'as dit tout seul dans le vide qui résonne.